L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les nuits les plus courtes ne sont pas les préférées des astronomes amateurs. Mais ce soir est propice à l'observation à l'œil nu par tout un chacun, même non astronome ou sur le point de le devenir. Un rapprochement visuel sympathique a lieu en effet actuellement. Il inclut Jupiter, Vénus et le croissant de Lune. Cela se passe au-dessus de l'horizon ouest-nord-ouest. Environ une heure après le coucher du soleil, c'est-à-dire vers 22h30, heure française. Vous pourrez voir deux points éclatants, qui sont donc des planètes. Jupiter, la moins brillante des deux, à gauche, et Vénus, la plus éblouissante. Toutes deux accompagnées d'un joli croissant de lune naissant, fermant le triangle. Il est à noter que ce rapprochement de Jupiter et Vénus ne fait que commencer, car dans toute la seconde partie du mois de juin, elles ne cesseront de se rapprocher de plus en plus, jusqu'à atteindre une séparation inférieure à 30 secondes d'arc, le 30 juin précisément. 30 secondes d'arc, c'est moins que le diamètre de la Lune. Le spectacle est donc à suivre tous les soirs, à la même heure, dans la même direction. Il est toujours amusant d'associer un peu d'astrophysique à l'astronomie. Alors allons-y, tiens. La lumière de ces trois objets que vous admirez ici n'est autre que la lumière de l'objet qui vient de se coucher une heure plus tôt, le Soleil. Vous voyez donc toujours des photons du Soleil en regardant la Lune, Vénus ou Jupiter. Et oui, parce qu'elle se réfléchit. Oui, mais ces photons n'ont pas le même âge. Ils ont quitté la surface du Soleil à des époques différentes, la vitesse de la lumière étant fixe et la distance qui nous sépare de la Lune, de Vénus et de Jupiter étant très différente. Alors faisons le petit calcul, tiens. La vitesse de la lumière vaut 300 000 km par seconde. Bon, j'arrondis un petit peu, hein. La distance Soleil-Lune, elle, vaut 150 millions de kilomètres. La distance Lune-Terre vaut environ 400 000 kilomètres. Les photons du croissant de Lune ont donc voyagé pendant 8 minutes et 21 secondes entre la surface du Soleil et votre rétine. La distance entre le Soleil et Vénus, elle vaut 108,2 millions de kilomètres. Et la distance Vénus-Terre est très variable, elle varie entre 38 millions et 261 millions de kilomètres, mais aujourd'hui, le 20 juin, elle est de 90 millions de kilomètres exactement. Donc, les photons de l'éclatante Vénus, qui sont des photons du Soleil, donc, ont voyagé 11 minutes tout pile avant de vous éblouir. Passons maintenant à Jupiter. Tiens, la distance entre le Soleil et Jupiter vaut 780 millions de kilomètres. Et la distance qui nous sépare donc de Jupiter, distance Jupiter-Terre, aujourd'hui le 20 juin, vaut exactement 892,5 millions de kilomètres. Donc les photons solaires que vous voyez sous la forme de Jupiter ont donc voyagé durant pas moins de 1h32 minutes et 55 secondes. Si vous souhaitez pousser l'expérience amusante un peu plus encore dans l'espace-temps, je vous invite à pivoter légèrement de votre position d'observation de ce beau trio pour vous rendre vers l'horizon sud. Là, en laissant la nuit tomber un peu plus pour une meilleure visibilité, disons en ressortant vers 23h30, heure française, vous allez rencontrer la belle Saturne. Elle est facilement trouvable à l'œil nu, car se trouvant non loin d'une étoile très colorée, d'un orange presque rouge, qui s'appelle Antares et qui domine la constellation du Scorpion. Les photons orangés d'Antares que vous voyez, eux, ont bien été produits par cette étoile supergéante, il y a 620 ans, près d'un siècle avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. Mais ceux de Saturne, juste à côté, sont toujours les photons de notre bon Soleil, couchés depuis plus de 2 heures maintenant. Et refaisons nos calculs. La distance Soleil-Saturne vaut 1497 millions de kilomètres. La distance qui sépare Saturne de la Terre actuelle est de 1362 millions de kilomètres. Ce qui nous fait une distance totale donc de 2859 millions de kilomètres, et donc un voyage de nos photons solaires saturniens pour parvenir à vos yeux enchantés, égal à 2h38 et 50 secondes. Comme on le voit, la nuit nous offre en quelque sorte une vision du Soleil tel qu'il était à différents instants auparavant, mais simultanément. Entre un peu plus de 8 minutes avant et presque 3 heures avant, tout en nous permettant d'observer des jolies planètes qui se différencient des étoiles, entre autres, par leurs mouvements propres qui sont visibles d'un jour à l'autre. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien les yeux au ciel maintenant que les orages sont terminés, et les pieds sur terre, sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Bon ciel !